Je repense, je ressens, je redis avec congruence. Mon esprit est attaché à Lyon, on me prête attention. Je remarque et j'accepte les trésors de cet univers. Ils me font plaisir, me remplissent de ton être en profondeur. Oui, j'arrive, silencieux, paisible, mais audacieux. Qu'y a-t-il? On me déshabille dans cette belle ville au cœur de Lyon. Je m'active sans excès et j'arrive à ton bien-être. Je m'active.